France Inter. Dans le tumulte de la Révolution française. Épisode 6. En 1793, Robespierre, député montagnard, veut à tout prix donner au peuple une constitution. Mais il est aussi de ceux qui vont instaurer la terreur. Printemps 1793, la France vit des heures graves. Alors que la guerre aux frontières et le soulèvement de la Vendée menacent la Révolution, les députés adoptent pour la première fois des lois d'exception. Et depuis la proclamation de la République et l'exécution de Louis XVI, la Convention qui doit élaborer une constitution est le théâtre de heurts d'une rare violence entre Girondins et Montagnards. À la Convention, une figure domine, Maximilien Robespierre, dit l'incorruptible. Très populaire, brillant orateur, ce député montagnard prétend au nom de la vertu incarner la volonté du peuple. Mais l'homme aussi fait peur. Au nom toujours de la vertu, il n'hésite pas à la Convention à dénoncer des traîtres et à appeler, je cite, « à exterminer tout ce que la France renferme de rebelles contre l'humanité et contre le peuple ». Mais qui était vraiment Robespierre, cette figure adorée et honnie depuis plus de deux siècles? Un monstre assoiffé de sang, inventeur de la terreur, ou un libérateur éclairé, ardent défenseur du peuple et de la démocratie? France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Hervé Lauwers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française, professeur d'histoire moderne à l'Université de Lille et membre de la Société des études robespierristes. Donc sur Robespierre, vous en connaissez un rayon. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, Robespierre demeure un personnage clivant en France? Est-ce parce que la Révolution est toujours dans les esprits ou plus simplement parce qu'on continue à mal le connaître, Robespierre? C'est sans doute parce que la Révolution fait encore partie des héritages de notre temps. Et Robespierre, par sa longévité politique, alors une longévité peut-être courte aux yeux d'un homme du XXIe siècle, mais une longévité assez forte au temps de la Révolution, entre la réunion des États généraux et le mi-temps de la Convention nationale, fait que ce personnage a joué un rôle central à différents moments clés de la Révolution. Et finalement, parler de Robespierre, c'est parler de la Révolution. Parler de Robespierre, c'est aussi souvent discuter de la Révolution et de ses héritages. Alors, l'histoire que je vais raconter est un épisode finalement assez court de la Révolution, d'avril à septembre 1793, une période charnière, peut-on dire. Alors, qui est Robespierre en 1793? Donc en 1789, au début de la Révolution, c'était un inconnu de 31 ans, avocat originaire d'Arras, député du tiers-état aux états généraux, un inconnu. Mais en seulement 4 ans, l'inconnu est devenu une des figures les plus connues de la Révolution. C'est un personnage qui est à la fois adulé et détesté en 1792 et 1793. Déjà. Oui. Déjà. Et même dès les tout débuts de la Révolution, parce que ses principes sont des principes qui ne supportent pas la discussion, qui sont des principes qui vont jusqu'au bout de leur logique. Oui. Il défend les droits de l'homme, mais il défend les droits de l'homme avec une vision républicaine, démocratique, qui fait peur à certains. Et depuis septembre 1792, il est donc un député de la Convention nationale. Sa première tribune, c'est le Club des Jacobins. Et les choses vont changer à partir du début de l'année 1793, lorsqu'il prendra la parole de plus en plus souvent et lorsqu'il commencera à affronter frontalement le mouvement, la faction, comme il l'appelle, adverse, qui est celle des Brissotins ou Girondins. Alors pouvez-vous justement nous expliquer ces mots qu'on va beaucoup entendre dans un instant dans notre histoire, Girondins et Montagnards? Il n'y a pas de parti politique à la Convention nationale, mais vous avez deux mouvements qui vont prendre naissance, qui sont des mouvements aux contours assez incertains. D'un côté, des Montagnards qui vont très vite se désigner comme tels. C'est un peu la gauche. C'est un peu la gauche. Ce sont des démocrates. Ce sont des républicains démocrates. Les Girondins aussi, non ? Les Girondins sont également républicains, mais leurs adversaires les qualifient de républicains aristocrates. Ouais. En fait, ils sont favorables à un système représentatif que les Montagnards voudraient limiter le plus possible. Les Montagnards sont un peu inspirés par Rousseau et aiment bien donner la parole au peuple. Quel est le contexte au moment où cette histoire commence ? Donc en avril 93, je l'ai un peu évoqué à l'instant, vous l'avez dit, Hervé Lauwers, la République a été proclamée, et puis Louis XVI a été guillotiné, donc en janvier 93. C'est un contexte quand même de guerre, un contexte assez tendu. C'est un contexte très tendu. Le procès de Louis XVI a été un moment d'affrontement direct entre la Montagne et la Gironde, avec des haines qui vont se ressentir pendant les mois suivants. Ceux qui étaient favorables à l'appel au peuple, à un appel aux électeurs pour confirmer ou non la mort du roi, c'est-à-dire essentiellement les Girondins, sont à ce moment-là en butte au mouvement des Montagnards. Et les choses vont se tendre encore dans les mois qui suivent. D'abord, la guerre va s'élargir. Elle va s'élargir à l'Angleterre, aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels. La révolution est menacée. Ouais. La révolution est menacée sur ses frontières. Et en même temps, il y a un affrontement direct qui va s'accentuer. Et le général Dumouriez va trahir. Il va passer à l'ennemi. Lui qui est pourtant... parce qu'il est il est monarchiste. Donc ça va créer une tension supplémentaire. Le général Dumouriez est un général qui a été encensé à la fin de l'année 92, au début de l'année 93. C'était un général C'est l'homme de Valmy. Un général qui passait pour véritablement républicain et qui était en même temps assez proche des Girondins. Et après la défaite, il va effectivement passer à l'ennemi au début du mois d'avril, livré avec lui... aux côtés des Autrichiens. Ouais. Aux côtés des Autrichiens, en leur livrant un ministre de la République, Bernonville, et quatre députés. Ah oui. Et à partir de ce moment-là... les discussions vont se nouer à la Convention nationale pour savoir si les Girondins ne sont pas complices, en quelque sorte, de Dumouriez, et si la défaite et la trahison ne sont pas un peu de leur fait. Alors Hervé Lauwers, on poursuit tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Nous partons le 9 avril 1793 à la Convention, tout de suite. Robespierre ou l'intransigeance de la vertu, un texte de Christine Spionti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Cédric Aussire. Une heure devant moi avant de retourner à l'Assemblée. Tous les députés craignent le retour de la violence populaire. Comme en septembre dernier, quand le peuple de Paris a envahi les prisons. Il a massacré les royalistes. Je ne pense jamais à ces journées de septembre qu'avec horreur. Mais qui peut dire après coup le point précis où aurait dû se briser l'insurrection populaire ? On ne peut vouloir une révolution sans révolution. Et s'il est juste de pleurer les victimes de septembre, il faut garder des larmes pour une calamité plus touchante. L'injustice faite au peuple depuis des siècles. Et si on veut se prémunir contre la vengeance populaire, il faut assurer le peuple de ses droits politiques. Il est donc urgent de donner une constitution républicaine à la patrie, de proclamer le peuple souverain. 9 avril 1793. Après la séance à l'Assemblée nationale, Robespierre regagne la maison de Maurice Duplay où il loge. Seul dans le salon, il repense au débat de la journée. Pour les députés, l'enjeu majeur en 1793 est l'élaboration de la première constitution du régime républicain. Mais sa rédaction est sans cesse ajournée par les mesures d'exception à prendre d'urgence. Ainsi, le tribunal révolutionnaire et le comité de salut public, les organes de la terreur, ont été mis en place. Et la guerre que mènent les monarchies européennes contre la République et la trahison récente de Dumouriez occupent les débats. Robespierre s'inquiète d'une réaction populaire si Dumouriez échappait à la justice. Il a demandé à Maurice Duplay, son hôte, de venir le retrouver au salon. Révolutionnaire actif, Duplay est un entrepreneur en menuiserie au confortable revenu. Il s'est lié d'amitié avec Robespierre à la section du quartier Vendôme, une des 48 sections de la Commune de Paris qui ont fait chuter la monarchie. Leur poids politique est déterminant. Robespierre y est très attentif. C'est l'indignation, Maximilien. Voilà ce qui se dit à la section. Ce traître de Dumouriez doit être ramené à Paris. On l'attend de pied ferme. C'est une question d'heure, Maurice. Nos commissaires sont en route pour l'arrêter. La justice fera son travail. Oh, la justice... Les honnêtes républicains envoient pétition sur pétition à l'Assemblée pour exiger la fermeté contre les ennemis du bien public. Et quoi ? Elles dorment sous la poussière d'une étagère. Ça, tant que les Girondins présideront l'Assemblée. Ils ont soutenu le général traître. Ils abusent de la confiance de la nation. Le peuple est leur souverain. On va le leur rappeler. Et frapper un grand coup. Par la force des armes ? Contre l'Assemblée, sans respect pour la représentation nationale ? Non, Maurice. Par la loi. J'ai demandé la mise en accusation du Girondin Brissot, l'ami intime de Dumouriez. Ouais, et le président, en bon Girondin qu'il est, il a balayé ça d'un revers de main. Ces Girondins, ils ont osé demander la tête des braves émeutiers du 10 août qui nous ont libérés du tyran. Et ça traite la commune de Paris de fous enragés. Si vous, la montagne, les seuls députés patriotes, vous n'êtes pas assez forts, je te le dis avec franchise, on va se charger de sauver la France, nous. Maurice... L'insurrection ne sert qu'à faire fusiller le peuple de Paris. C'est avec les armes de la loi qu'on combat ceux qui trahissent le peuple. Plus de sang. Ça, on ne verse pas notre sang de gaieté de cœur. On voudrait bien vivre en paix et goûter le bonheur de notre révolution. Mais si les députés ne défendent pas le peuple, on le fera nous-mêmes. Après, Maximilien, on ne répond plus de rien. L'Assemblée nationale se compose de 200 députés montagnards, 160 girondins et 389 centristes. Les girondins ont été élus à la présidence de l'Assemblée. Dans l'affaire Dumouriez, des députés girondins sont soupçonnés de complicité avec le général traître, ce qui fragilise leur présidence. Mais après ce que lui a dit Duplay, Robespierre redoute une révolte populaire qui renverserait la Convention et mettrait en péril la République. Il gagne son logement, situé au-dessus de l'atelier de menuiserie. Maigre dans son habit à rayures vertes, très soigné, celui que le peuple nomme l'incorruptible bénéficie d'une grande popularité. Sa chambre est meublée d'un lit, couvert d'une étoffe bleue, d'une table et de deux chaises. Sur les rayonnages s'entassent livres et papiers. Il desserre son ample cravate à jabot et se met au bureau. Il est urgent qu'il prenne la parole à l'Assemblée et désigne les complices de Dumouriez pour les dissocier des autres députés. Du papier. Des armes contre les tyrans, des mots contre les intrigants. Voilà comment triompher de nos ennemis. Citoyens, celui qui dit que la majorité de la Convention est complice du traître... Ah, Charlotte. Maximilien. Je t'apporte une provision de confiture et de fruits confits. Et je dois te parler, mon cher frère. Augustin ne va pas tarder. On s'est chamaillé, il va te dire les pires choses sur moi. J'arrive toujours à vous réconcilier, Charlotte. C'est pour ça que tu dois venir habiter avec nous. Augustin et moi, nous sommes ta famille. Dans ta position, tu occupes un rang si élevé en politique. Tu dois avoir un foyer. Notre appartement est à deux pas. Charlotte, Augustin et toi êtes ce que j'aime le plus, après la patrie. Mais les Duplay ont tant de gentillesse pour moi, ce serait ingrat de les quitter. Ah, voilà, bonbon. Moi, c'est Augustin, Charlotte. Je suis député de Paris, je te rappelle. Et même si je suis le plus jeune d'entre nous... Je me sauve, ça va mal tourner. Adieu, mes chers frères. Charlotte est d'une... Pardon de t'importuner. Quelle séance aujourd'hui ? Les Girondins ont beau dire, Dumouriez a eu leur appui pour devenir ministre. Le plus grave, Augustin, c'est que l'opinion publique accuse toute la Convention d'être complice du traître. Évidemment. Sauvin, l'ami de Dumouriez qui organisait son retour à Paris, relâché. Bonnecarrère, son banquier trafiquant d'argent à la solde des Anglais. J'ai demandé son arrestation et rien. La séance va bientôt reprendre. Ce soir, je vais proposer un décret. Dumouriez dénigrait le travail de l'Assemblée devant son armée. Eh bien, je vais demander qu'on lise tous nos décrets aux soldats. Nous y allons ? Non, Augustin. Je ne retourne pas à l'Assemblée, finalement. Quoi ? J'ai vu Duplay. Paris menace de s'en prendre à la Convention. Il faut dénoncer la faction girondine au plus vite, demain. Je dois écrire mon discours. Sois convaincant, mon cher frère. Si la Convention est renversée, plus de gouvernement et les monarchies étrangères auront le champ libre. Eh bien, à demain. Défendre l'Assemblée nationale, c'est défendre la patrie. Nous ne pouvons être tous confondus avec les traîtres. Je vais les démasquer, je les connais. Non, messieurs. La Convention n'est pas corrompue. Mais il y a ici une conspiration tramée par les ennemis intérieurs et extérieurs. De Londres à tous les cabinets d'Europe, elle aboutit dans cette enceinte sacrée, sous vos yeux. On feint de ne pas en connaître les auteurs. Si vous voulez bien, je vais lever une partie du voile. Levez-le tout entier, occupons-nous de sauver la patrie. Vous allez les reconnaître. Ils qualifient d'anarchistes les députés attachés à la cause du peuple. De criminels, la Commune de Paris, foyer du républicanisme et des lumières publiques. Et de brigands, ces Parisiens dont ils redoutent l'énergie. Je parle de la faction qui domine la Convention. Et quand Dumouriez a menacé de marcher sur Paris pour rétablir la royauté, il s'est dit « Hé, pourquoi non ?» Il savait pouvoir compter sur elle. Les hommes que j'ai à dénoncer... Allez donc! Personne ici n'est corrompu par l'étranger! Sans doute... Où sont les preuves? Les noms de... Sans doute, je m'attends à être attaqué. Président, je me tais, je suis en droit d'exiger un peu de patience, étant donné la douleur de se sentir si entouré d'ennemis. Président! Demandez silence! Et qu'ils se taisent! On ne peut pas faire ça! Je parle des Vergniaud, Brissot, Guadet, Jansonnet, Pétion... Tous les agents hypocrites de la même faction. Et Valence, Sillery, ci-devant comte de Genlis, le duc de Chartres. Je vais donner toutes les preuves d'intelligence de cette faction avec le traître à la patrie. Et si après cela, elle domine toujours l'Assemblée, c'est que mes efforts auront été vains. Mais j'aurais fait mon devoir à la satisfaction de mon âme. Robespierre vient de donner les noms de quelques chefs de file des Girondins. Il donne pour chacun des preuves de collusion avec Dumouriez, ce qui équivaut à une mise en accusation. En désignant des coupables, il pense épargner à la Convention la colère populaire. Deux jours plus tard, au matin du 12 avril, l'atmosphère est tendue à l'Assemblée. Pendant la séance de nuit, un député girondin a sorti son épée. Il disait avoir vu un député, pistolet à la main, prêt à tirer. Dans ce climat de dénonciation où tous s'accusent mutuellement, chacun joue sa tête. Le député d'Eure-et-Loire, Jérôme Pétion, monte à la tribune. Très proche de Robespierre lors des États généraux de 1789, il a depuis rallié les Girondins. C'est lui que Robespierre, dans son discours, a accusé d'avoir aidé Louis d'Orléans, potentiel héritier du trône de France. On m'accuse, moi, d'être le complice de d'Orléans. Est-ce que j'ai eu une correspondance avec lui? Oui. Oui, oui, 100 fois oui. Mais quoi? Moi, conspirer pour les royalistes? On m'accuse, je réponds. On ne m'écoute pas. On réitère et on espère qu'à force de le répéter, on y croira. Ma patience est à bout, comment voulez-vous? C'est un système de terreur. Je demande la censure de ces dénonciations. Et moi, je demande la censure de ceux qui protègent les traîtres. On cherche à sauver des coquins. Infâme que vous êtes. Que je sois puni ou que Robespierre soit marqué du fer rouge des imposteurs. On a toujours tenu ce langage. Oui, oui, je le connais, Robespierre. Il le sait. Le peuple l'idolâtre. Il parle si bien de sa grandeur, de sa bonté. Lui, il a le droit de calomnier. Et comme il ne s'en fait pas faute, il dénonce les meilleurs citoyens. C'est Robespierre qui a dénoncé Dumouriez. J'entends. Il a dénoncé Dumouriez, sans doute. Comment voulez-vous qu'un homme qui ne voit partout que trahison et complot ne finisse un jour par tomber juste? Il n'en coûte rien de dire « Vous êtes complice de Dumouriez, de Capet ». C'est une tactique. Il veut la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est Dumouriez qui veut sa dissolution et mettre d'Orléans sur le trône. Et vous, vous le protégez. Ils veulent faire tomber la rassembler et marcher au despotisme. Oui, au despotisme. Les Dantons, Robespierre et le pire de tous, celui qui veut le pouvoir tyrannique pour lui seul, Marat, dans son journal. Une ligne écrite, même illégale, n'a jamais tué personne. Tandis que les monarchies qui nous font la guerre ont déjà tué 300 000 de nos soldats patriotes et conspirent pour égorger le reste. Scélérats qui prêchent le despotisme. Il n'y a jamais eu de décret d'accusation contre Robespierre. Citoyens, il faut sévir avec la dernière énergie contre de pareils coquins. Ouais. Les Girondins sont des gens comme il faut, et nous, les sans-culottes, sommes la canaille. Il crie sans cesse « Peuple, levez-vous !» Et quand il sera debout, que lui direz-vous? Qu'a-t-il à égorger, sinon la Convention nationale? C'est nous qu'on veut égorger. Taisez-vous, dictateur du 18. Mais taisez-vous, traître à la patrie. Résumez-vous. Eh bien, je vais me résumer. Voici ce que je demande. Si vous avez une inculpation à faire contre moi, écrivez-la et signez-la. Et que les traîtres soient punis. Et leurs complices? Oui, leurs complices et vous-même. Il est temps d'en finir avec toutes ces infamies. Et que les traîtres et les calomniateurs portent leur tête sur l'échafaud. Je prends ici l'engagement de les poursuivre jusqu'à la mort. J'ai exposé des faits. C'est toi que je poursuivrai. Aucun décret d'arrestation n'est prononcé. Et dès le lendemain, le président de l'Assemblée remet à l'ordre du jour la rédaction de la Constitution, ajournée depuis 8 mois. Ce 15 avril 1793, un comité de députés girondins, comprenant Condorcet, lit à la tribune un projet de Constitution. Il prévoit à la tête du gouvernement un conseil exécutif de 8 ministres. Mais pour Robespierre, c'est l'Assemblée nationale élue par le peuple qui gouverne en démocratie. Vers 10 heures du soir, alors que les débats se poursuivent, Robespierre quitte l'hémicycle accompagné de Georges Couthon. À 38 ans, cet avocat député montagnard du Puy-de-Dôme, handicapé par une maladie qui rend sa marche difficile, est un fidèle ami de Robespierre. Il habite également chez les Duplay. Dans sa chambre, Robespierre se met au travail. Le bonheur du peuple est l'unique but d'une constitution. Oui, ce peuple dont les Girondins disent avec mépris, il n'a rien à perdre. L'humble demeure, le modique salaire pour eux ce n'est rien. Ce ne sont pas des terres, des châteaux, des équipages. Mais pour le peuple c'est quelque chose. Et exercer sa souveraineté, sa liberté, ce sont des propriétés sacrées qui doivent être placées à la garde des lois. Voilà ce que doit être une constitution. Le peuple ne veut que le nécessaire, la justice, la tranquillité. Il ne peut qu'aimer l'intérêt général. Les riches prétendent à tout, tout envahir, tout dominer de leur intérêt particulier. Je suis du peuple. C'est de ce côté qu'est la vertu civique. Le sublime dévouement des soldats face aux infâmes trahisons des généraux et face à l'égoïsme insatiable des riches, la patience magnanime du peuple. Pardon, Maximilien, je ne peux pas dormir. Il ne faut pas se le dissimuler. Si la Constitution girondine s'impose à la République, c'est la ruine de notre révolution. Où l'on s'aperçoit, Georges, que le nom de République ne suffit pas. Les Girondins veulent une république pour eux-mêmes, les notables et les bourgeois. Dans leur constitution, les ministres gouvernent et les députés du peuple obéissent. Une république aristocratique, en somme. Ces gens ont une haine profonde de l'égalité, Georges, et de la démocratie. La république, pour eux, n'est qu'une forme de gouvernement. Or, démocratie et république sont synonymes. Toute loi doit favoriser l'égalité, sinon ce n'est pas une loi. Là, je ne vois pas de compromis. Comme les Girondins dominent l'Assemblée, leur projet sera adopté... Ce n'est pas encore fait. Je travaille à une constitution qui protège le peuple et le fasse maître de sa destinée. Une république des égaux. Et tu connais la principale inégalité? C'est la propriété. Le gentilhomme qui a joui des siècles durant d'opprimer 25 millions de vassaux monarchiquement l'a fait au nom de la propriété. Là, ils vont hurler. Non, écoute... Oui, le droit de propriété est inviolable. Et bien sûr, l'égalité des biens est une chimère. Quant au partage des terres, c'est un fantôme créé pour épouvanter les imbéciles. Mais alors, si on demande à un marchand d'esclaves ce que c'est que la propriété, il dira, en montrant des hommes vivants enchaînés, « Voilà mes propriétés, je les ai achetées tant par tête, c'est immoral. » Tu ne peux pas faire de la propriété une affaire morale. Et pourquoi non? Si le droit de propriété s'exerce au préjudice de la liberté, de la subsistance, la propriété doit être bornée par les droits de l'homme. C'est ça notre République, Georges. En avril 1793, la situation se dégrade. En Vendée, l'armée royale va de victoire en victoire. Le Royaume-Uni, l'Espagne et la Sainte Alliance des États allemands se coalisent pour restaurer la monarchie en France, massant leurs armées aux frontières. Malgré ces événements, au Parlement, la Constitution anime les débats. Le 24 avril, Robespierre présente un projet de révision de la Déclaration des droits de l'homme. Il innove en créant le droit à l'existence, obligation faite à la société d'assurer la subsistance de tous par le travail ou le secours public. Poursuivant sa mission, le 10 mai 1793, Robespierre expose les principes d'une constitution. Son idée force est qu'elle doit donner à tout citoyen le devoir de s'insurger et les moyens légaux de défendre la liberté publique et individuelle contre le gouvernement lui-même. L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté. Et partout, il est esclave et malheureux. La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être. Et partout, la société le dégrade et l'opprime. Jusqu'ici, gouverner n'a été que l'art d'asservir le grand nombre au profit du petit nombre. Et la législation, le moyen d'en faire un système. Les rois et les aristocrates ont très bien fait leur métier. À vous maintenant de faire le vôtre, d'accélérer les progrès de la raison humaine et de rendre les hommes heureux et libres par les lois. Un beau discours, Maximilien. Mais pour l'heure, la sans-culotterie voudrait entendre comment la loi va châtier les négociants qui entassent des monceaux de grains et font grimper les prix en organisant la pénurie de blé. On a voté une loi pour la réquisition des grains, le ministre de l'Intérieur ne la fait pas respecter. Mais taper du poing sur la table? Tu sais ce que c'est pour un ouvrier qui gagne 40 sous par jour d'en dépenser 8 pour le pain? Ça ne peut plus durer. Quoi? Il va y avoir des pillages? Non, le peuple de Paris se lève contre les tyrans, il ne s'abaisse pas à détrousser les épiciers. Et pourquoi non? Bloquer le prix du blé? Non, on doit préserver la liberté du commerce. Ce qu'il faut contrôler, c'est l'abus, Maurice. La liberté du commerce. Mais pour le brave luron des faubourgs, c'est l'émeute de la faim et la baïonnette qui fait couler le sang. Et quoi? On a détruit cette foutue bande de capets et on va laisser s'élever une tyrannie encore plus odieuse, celle des banquiers et des spéculateurs? Maximilien, Paris n'a que l'insurrection en tête. Je sais, tu es contre. Ah, Maurice, je suis partagé. Quand le peuple est opprimé, il ne lui reste que lui-même pour se défendre et il serait lâche de lui dire de ne pas se lever. Sinon, la liberté est perdue. S'insurger par amour des lois est légitime, Maurice. Le mois de mai 1793 voit s'exacerber l'opposition entre Girondins et Montagnards, mais aussi la colère populaire. Les Girondins redoutent les sans-culottes, des anarchistes selon eux, et surtout les enragés, les plus radicaux. Le 31 mai, le tocsin sonne, appelant à l'insurrection. À 17h, à la barre de l'Assemblée nationale, le comité insurrectionnel de Paris réclame le blocage du prix du pain à 3 sous et l'arrestation de 29 députés girondins, parmi eux ceux que Robespierre a dénoncés. Deux jours plus tard, 80 000 hommes de la garde nationale encerclent la convention. Les députés girondins sont arrêtés. Assignés à résidence, certains arriveront à s'enfuir. L'Assemblée passe sous présidence montagnarde. Robespierre se remet à espérer l'adoption d'une constitution. 8 jours plus tard, le 10 juin, un comité de députés montagnards, dont Georges Couthon, donne lecture à la tribune d'un nouveau projet. Fondé sur la souveraineté du peuple, il reconnaît la légitimité de l'insurrection et le droit d'avoir des moyens d'existence. Des dispositions inspirées de Robespierre. Le pouvoir politique est confié aux députés qui choisissent les ministres. et les projets de loi sont soumis aux assemblées citoyennes locales. La convention se lève et applaudit. Et il n'y aura pas eu d'effusion de sang. C'est ce que le peuple attendait de nous. Une constitution sage et populaire. Le plein exercice de sa souveraineté dans la vertu républicaine chère à Montesquieu. Une démocratie où le bonheur de chacun fait le bonheur de tous. L'âme de notre République et l'ouvrage de la montagne. Notre réponse à ceux qui nous traitaient d'anarchistes. Et le bonheur, notre Constitution fait l'unanimité. Pas tout à fait, regarde. Cet enragé de Jacques Ruth à la barre. Un prodige vient de s'opérer. Tous les orages qui troublaient vos séances se sont dissipés et vous voilà tous unanimes pour clamer article 1, le but de la société est le bonheur commun. Non, législateur, vous n'avez pas tout fait pour le bonheur du peuple. Avez-vous dénoncé le riche marchand qui augmente arbitrairement le prix des choses utiles à la vie? Pourquoi ne pas faire éclater sur ses sangsues la foudre de la justice nationale? Parce qu'au fond, on ne veut pas toucher à l'ordre ancien. Les lois faites par le riche pour le riche restent cruelles à l'égard du pauvre. Pour manger, des femmes ont dû fixer le prix du pain en menaçant le marchand de pillage. Législateur, il faut proscrire la spéculation. Ne pas le faire vous rend coupable du crime de lèse-nation. Oh, citoyen, il le sait bien. Interdire la spéculation n'entre pas dans une constitution. Au nom de la patrie, enlevez-lui la parole. Les riches seuls, depuis 4 ans, profitent de la révolution. L'aristocratie des riches est plus terrible que l'aristocratie nobiliaire. Mais il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre d'encourir la haine des riches, c'est-à-dire des méchants. Notre constitution doit tout sacrifier au bonheur du peuple. À l'entendre, il y a espéré qu'en l'anarchie, que l'orateur soit mis en état d'arrestation. Oui, c'est enragé. Les femmes qui fixent le prix, c'est l'anarchie. Cet orateur incendiaire m'inquiète, Augustin. Si le peuple allait l'écouter. Avec ses vociférations délirantes, il veut détruire l'édifice que nous avons mis si longtemps à bâtir. La Constitution est adoptée le 24 juin 1793 par l'Assemblée et ratifiée par référendum, une première. Mais seul un tiers des 6 millions d'électeurs se mobilisent. Robespierre a bataillé pour faire inscrire le droit à l'instruction pour toutes et tous dans la Constitution. Le 13 juillet, dans une chaleur étouffante, il présente un projet de loi sur l'éducation. Ce texte fonde les bases de l'éducation nationale. Ce même jour, vers 19h, Jean-Paul Marat est poignardé par Charlotte Corday, partisane des Girondins. Marat, le député montagnard, l'ami du peuple, est une figure majeure de la Révolution. Paris est sous le choc. Depuis le renversement de l'Assemblée, les Girondins soulèvent la province. Marseille a levé une armée que commande un général royaliste soutenu par les Espagnols et les Anglais. La Convention veut y envoyer 2 commissaires, dont Augustin, le frère de Robespierre. Le 19 juillet 1793, un orage s'abat sur Paris. Robespierre guette son frère Augustin par la fenêtre. Marat assassiné. Et moi bientôt. Qui sait, ça ne m'effraie pas. Peut-être le ciel m'appelle à tracer de mon sang la route qui conduit mon pays au bonheur. Je l'accepte. Le véritable homme d'État sème dans un siècle ce que récoltent les suivants. Maximilien, il faut que tu aies un garde du corps. J'y songerai. Ah, Charlotte, je suis épuisé. 4 ans de révolution et toujours le spectacle accablant du triomphe de ce qu'il y a de plus sombre. Un jour, la nation reconnaîtra ce que tu as fait, mon cher frère. Marat va bien entrer au Panthéon. Panthéoniser Marat? Eh, mais qu'importe à la République? Elle n'a pas besoin de mémoire aujourd'hui. Nous devons encore mourir pour elle. Ne te mets pas en colère. Je voudrais tant te voir heureux, mon cher frère. Le bonheur n'est pas fait pour l'homme ici-bas, disait Rousseau. Il n'y a d'heureux que le bonheur public. Un jour, Charlotte, la paix sera là et je serai heureux de voir le peuple s'en réjouir. Ce sera un grand jour de fête. Ah, Augustin, je suis trempé. Alors, tu pars à Marseille ? Oui. Voilà l'ordre de mission du comité de salut public pour rejoindre l'armée d'Italie. Et 6000 livres pour les frais. Tu pars seul ? Je pars avec Ricor. Il emmène sa femme. Alors moi aussi, je t'accompagne. Augustin et Charlotte partent pour Marseille. En juillet 1793, la situation s'aggrave. Les armées républicaines font face à une offensive des monarchies coalisées qui a réussi à percer les frontières. 500 000 hommes ont été mobilisés. C'est le comité de salut public, mis en place après la trahison de Dumouriez, qui organise la défense du territoire. Composé de 3 députés centristes et 6 montagnards, dont Georges Couthon, le comité exerce le pouvoir exécutif et contrôle l'action des ministres. Fin juillet, Robespierre, qui a pourtant toujours refusé les postes de gouvernement, entre au comité de salut public. Ce matin du 3 août, il arrive le premier dans la salle de réunion. J'ai vu tant de traîtres œuvrer contre les intérêts du peuple. Je ne croupirai pas inutile dans ce comité. Si demain je meurs, j'aurai fait mon devoir au nom de l'amour sacré de la patrie. Elle est en danger. J'étais contre la guerre. Mais la guerre est là. 11 armées à diriger, le poids de l'Europe entière, et partout des corrompus, soudoyés par l'or des monarques étrangers ligués contre nous, provoquent des troubles dans nos villes. Après Marseille, Lyon vient de se déclarer ville autonome. Ah bah t'es déjà là. Oh, ce fauteuil roulant, Maximilien, si tu savais. Mais je ne peux plus marcher du tout. Tiens. Mon rapport sur la ville de Lyon. La riche bourgeoisie girondine, alliée aux royalistes, a fait guillotiner le maire Montagnard, Chalier. 3 fois le coup près est tombé, tu te rends compte? Ils ont dû l'achever au couteau. On va reprendre la ville. Je pars en Auvergne réunir une armée. Une mission difficile, Georges. Les hommes ne marchent pas à la guerre sans résister. Combien? 10 000. Peut-être 15 000. Mais je les connais. Les Auvergnats, c'est chez moi. La révolution les a déçus, tu sais. Certes, on a aboli la féodalité, mais la loi oblige les paysans à racheter les droits seigneuriaux. Racheter, tu entends? Un beau songe en somme qui n'a laissé que des regrets. Pire encore, le malheureux qui n'a que ses bras et sa bêche donne un quart de sa récolte au seigneur en vertu de son droit de propriété. Mais je me fais fort de les convaincre. Charlotte et Augustin, comment ils s'en sortent à Marseille? Aucune nouvelle. Ah, Georges, la situation est si grave. Les Piémontais sont en Savoie, les Anglais à Toulon, les Espagnols à Bayonne et les Autrichiens à Maubeuge. Et les Girondins soulèvent les provinces. La tâche est immense, Georges. À l'été 1793, incarcération et exécution publique se multiplient à l'ouest et dans le midi. En août, une grande fête est donnée pour célébrer la nouvelle constitution. Certains députés voudraient qu'elle soit appliquée immédiatement. Je refuse l'entrée en vigueur de la Constitution. Pas maintenant, pas en pleine guerre. La nation n'a jamais été aussi déchirée. Cela voudrait dire dissoudre l'Assemblée, organiser des élections législatives. Ce serait livrer la France à nos ennemis. Des nouvelles de Charlotte et Augustin ? Ah oui, Maurice. Charlotte m'a écrit, ils vont bien, mais ils l'ont échappé belle. Les Marseillais les ont pourchassés. Et ils ont dû fuir à cheval dans la nuit par la montagne. On s'attaque aux représentants de la Convention. Et si on allait nous reprendre notre liberté, à nous, le seul peuple de l'univers qui n'est pas asservi, faut mettre le grappin sur tous nos ennemis. C'est vrai. Face à leur scélératesse, nous avons trop de clémence. Le tribunal révolutionnaire acquitte des coupables notoires. Ah, je le sais. Je suis juré au tribunal. Je te le dis, Maximilien, l'impunité enhardit les assassins. C'est à coup d'échafaud qu'il faut signifier la Constitution à nos ennemis. Maurice, attention, ne cherchons pas à multiplier les coupables, leur nombre n'est pas si grand. Marie-Antoinette et les députés girondins vont être jugés, leurs têtes vont tomber. Oui, il faut faire des exemples, mais après, soyons avares de sang. Et puis ils feront quoi s'ils rétablissent la monarchie? Ils nous égorgeront tous comme Marat. On demande vengeance pour Marat. Il faut les terrifier. Oui. Et contenir par l'effroi ceux qui voudraient les imiter. Mais notre constitution dit que le but de la société est le bonheur commun, non? Pour ça, elle a besoin d'un grand peuple, maître chez lui. Alors pour l'heure, il faut que tu le saches, il n'y a qu'un mot qui court les rues de Paris. Mettez la terreur à l'ordre du jour. La constitution promulguée le 4 août 1793 porte une haute ambition démocratique et un immense espoir d'égalité. Mais à l'automne, son application est abandonnée. Le gouvernement se proclame révolutionnaire jusqu'à la paix. Le régime d'exception qui se met en place vote en septembre la loi des suspects, terme flou désignant les contre-révolutionnaires. Ainsi se met en place l'arsenal juridique qui va systématiser la terreur. Est-ce que je doute ? Ma raison, mon cœur serait sur le point de douter de cette république vertueuse dont je m'étais tracé le plan. Elle existe pourtant, cette vertu publique. Elle existe. Je le sens dans mon âme. Si notre but est de mettre à exécution la constitution de l'an 1 de la République, quels sont nos ennemis? Les riches, qui préfèrent leur intérêt à l'intérêt général. Et cela finira lorsque l'intérêt des riches sera confondu avec celui du peuple. Quand cela arrivera-t-il? Jamais. Robespierre ou l'intransigeance de la vertu de Christine Spianti avec Robespierre, Mathurin Voltz, Augustin Robespierre, Florian Chocard, Charlotte Robespierre, Emma Meunier, Maurice Duplet, Jean-Charles Dizazzo, Georges Couton, Jérôme Pouly, Jérôme Pétion, Jean-Christophe Quenon, Jacques Roux, Mathieu Marie et les voix d'Emilien Audibert, Jason Barriot, Romain Blanchard, Arthur Hess et Sébastien Perruc. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Emmanuel Couturier et Titouan Labarre, assistante à la réalisation Émilie Jocquiel, réalisation Cédric Ossire. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Audrey Ripouille, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Mathieu Bérény. Hervé Lauwers, la fiction donc s'est concentrée sur quelques mois de la Révolution française entre avril et août 93. Alors on découvre un Robespierre donc très investi dans l'élaboration d'une constitution qui cherche à améliorer la Déclaration des droits de l'homme. Il parle de droit à la subsistance, d'éducation pour tous. Et en même temps, c'est ce même homme, donc toujours au nom de la vertu, qui va donner des noms, les noms des députés girondins, traîtres à ses yeux. Comment expliquer cette apparente contradiction? En fait, depuis les tout débuts de la Convention nationale, depuis septembre 1792, la nouvelle Assemblée est fortement divisée. Elle est divisée notamment à l'issue des massacres de septembre, dont la fiction parle un moment. Ce sont ces prisons qui ont été vidées en septembre 92. En septembre 1792, par les Parisiens, lorsque certains d'entre eux devaient partir aux frontières pour les défendre. C'était des prisonniers de droit commun, mais également des prisonniers pour motifs politiques. Et les Parisiens qui partaient combattre aux frontières avaient peur de laisser derrière eux des hommes qui auraient pu être libérés en cas d'arrivée des Prussiens et des Autrichiens à Paris. Et il y a donc eu ces jugements sommaires et ces exécutions sommaires. Et au début de la Convention nationale, les Girondins en ont très vite accusé les meneurs qui allaient devenir les meneurs montagnards, c'est-à-dire essentiellement Marat, Danton et Robespierre. Et par la suite, dans les 6 mois qui ont suivi, il y a eu des affrontements continus entre ces deux blocs qui ne représentaient ensemble qu'une petite majorité de la Convention, hein, de part et d'autre d'une plaine ou du marais. Et cela fait que Robespierre a joué, un peu comme Brissot, ce rôle d'acteur central, qui était à la fois un acteur qui voulait imposer une forme de république particulièrement démocratique, et en même temps défendre cette république contre ceux qui apparaissaient comme ses ennemis intérieurs, en quelque sorte. Oui, il veut la république, il veut la démocratie, mais il ne veut pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui aient le pouvoir. L'affrontement est un affrontement des deux côtés. Oui, c'est ça, Si on prend les accusations de monarchisme, on les retrouve exprimées dès l'automne 1792 par les Girondins, notamment Louvet qui accuse Robespierre, et qui, Louvet qui est un Girondin... Qui l'accuse d'être un dictateur en puissance. D'être un dictateur en puissance, mais aussi un crypto-monarchiste. Hein. Il publie un pamphlet qu'il appelle à Maximilien Robespierre et à ses royalistes. Et oui, donc on a tous ces gens qui s'insultent, qui s'accusent aussi de choses très graves, sans la moindre preuve. On est dans un contexte où, je pense, la peur qui est une peur générale, c'est celle de la trahison, c'est celle de l'échec de la République. Et cette peur, elle ne donne pas le recul nécessaire pour analyser sereinement la situation. C'est vrai qu'avec deux siècles de distance, lorsqu'on regarde les débats, ils nous paraissent un peu surréalistes par moments. Mmh. Lorsque les Girondins accusent Robespierre d'être un royaliste, on n'y croit pas. Lorsque Robespierre accuse Brissot d'être un royaliste, on n'y croit pas. Mais je pense qu'il n'y a pas simplement de la manipulation politique de la part de ces hommes, il y a une frayeur réelle. Alors, donc Robespierre, pour accuser les Girondins, prétend le faire pour donner des gages à la Commune de Paris et ainsi préserver la Convention et protéger la Révolution. Est-ce que c'est crédible ? Depuis le 10 août 1792, il y a un nouvel acteur dans l'histoire parisienne. C'est la Commune insurrectionnelle de Paris qui va jouer un rôle très important à l'automne 1792, qui continue à jouer un rôle important au printemps 1793. La Commune de Paris est sensible au mouvement populaire de la capitale, va à certains moments se faire le porte-parole des sans-culottes, un peu comme les différentes parties de la capitale, ce que l'on appelle les sections de Paris, où les patriotes se réunissent, discutent, pétitionnent et jouent un véritable rôle politique. Et Robespierre est un peu celui qui, à la Convention, est à l'écoute de ce qui se passe dans les sections de Paris, à l'écoute dans ce qui se passe également dans la Commune de Paris, et il se fait un peu l'intermédiaire de ces voix du peuple telles qu'il les conçoit et qu'il transmet au sein de la Convention nationale. Pour Robespierre, exclure les Girondins, donc ils sont exclus en juin, et puis après ils seront éliminés et bientôt exécutés, hein, guillotinés. Est-ce que les exclure, c'est uniquement protéger la Révolution en préservant la Convention, ou est-ce que c'est aussi se débarrasser d'eux pour pouvoir offrir tout le pouvoir aux Montagnards ? Non, parce que les Montagnards ne sont pas suffisamment nombreux pour gouverner seuls. Le 2 juin, il n'y a que 29 députés girondins qui sont exclus de la Convention. Alors, il y en aura un peu plus par la suite, parce que certains vont signer une protestation, les 73, et vont être exclus à leur tour ou prendre la fuite. Mais les Montagnards ne gouvernent pas seuls. Ils gouvernent avec une grande partie de la plaine. De la plaine, c'est le centre. Oui. Exactement. Et ces hommes-là représentent donc une partie très importante de la Convention. Mais à partir de l'été 1793, ils ont l'impression qu'une unité s'est faite au sein de la Convention, une unité qui permet de travailler ensemble et de réaliser les objectifs qui sont les objectifs de l'Assemblée à ce moment-là. Il y a trois objectifs majeurs. Il y en a un dont on parle toujours, c'est la réalisation de la Constitution. Mmh. Et effectivement, elle est faite dès le 24 juin. Elle n'est faite, mais elle n'est pas appliquée, c'est vrai. Mais il y a aussi deux autres objectifs sur lesquels ils vont travailler pendant l'été 1793. C'est une grande loi d'éducation nationale. Et c'est un projet de code civil qui va aller très loin. Hein. On va aller, par exemple, au mois d'octobre, dans ce projet de code civil, jusqu'à voter les droits égaux du mari et de l'époux dans la gestion des biens du couple. Et on peut rappeler que dans la loi française, ce principe-là, il est réintroduit en 1965 et totalement en 1984. Oui, c'est donc à ce moment-là extrêmement en avance, comme ce droit à la subsistance aussi, qui est extrêmement étonnant de la part de Robespierre. Voilà, le droit à l'éducation existence, comme il l'appelle. Il en parle à partir de la fin de l'année 1792. Il va le placer dans sa déclaration des droits de l'homme qu'il présente au mois d'avril. Et c'est effectivement un principe qui va se retrouver ensuite dans la déclaration des droits qui précède la Constitution de 1793 et qui est l'un de ces grands principes de la République de cette époque. On va assister malgré tout, donc après l'été 93, à une accélération de la terreur avec la loi des suspects, donc en septembre, et bientôt donc l'élimination des députés girondins. La guillotine va marcher à plein régime. Est-ce que le rôle de Robespierre a été décisif dans cette radicalisation ? La radicalisation est progressive, Robespierre en est l'un des acteurs, mais elle commence finalement dès le printemps 1793. Après tout, les Girondins sont déjà là lorsqu'on met en place le tribunal révolutionnaire, lorsqu'on adopte la loi de mise hors de la loi des ennemis de la Révolution, lorsqu'on met en place les comités de surveillance dans les villes. Mais c'est vrai qu'à partir de l'automne, il devient incontestablement l'un des personnages centraux de la Convention nationale. Merci Hervé Lewers. Je conseille la lecture de votre biographie très complète, Robespierre, publiée en 2014 chez Fayard. À lire également Maximilien Robespierre, sorti au PUF, et à écouter 4 CD audio, Robespierre, une biographie, expliquée par vous, Hervé Lewers, édité chez Frémaux et Associés et les PUF, dans la collection Figures de l'Histoire. Et je signale que le magazine Historia vient de sortir un numéro spécial Grand Angle à Robespierre. Dans le tumulte de la Révolution française. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 7, 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassine Marat.